إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما هو الباب الذي باب بل ما البابان اللذان أخذناهما في الدرس الآخر طيب هل الذبح لغير الله dans un lieu où on a égorgé pour truc Allah c'est du shirk c'est quoi le shahid du bab on évite il y en a les gens qui vont te voir ils vont penser que il y a pas de inkar ou que c'est permis ça peut inciter les gens qui connaissent que ce lieu est fait pour les mouchriquins ils peuvent penser soit toi tu fais du shirk ou que même c'est permis pour nous de d'aller dans ces endroits de fréquenter ces endroits et qu'il y a pas de inkar par rapport à non j'aurais là dans le bab Mim bab et tamayuz par rapport à la distinction. Que le mouahid se distingue des mouchriquins. Également le moustaqim des fasiqin. Et le sunni minel mubtadi'a. On se distingue chacun de son opposé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. C'était ça la cause de ce bab. Et c'est également une porte qui ferme au shirk car les gens par la suite. En te voyant faire cela, peuvent se mettre à le faire par la suite. Et oublier, et ne pas savoir, comme tu l'as expliqué, dans le monde munkar. Donc c'est Mimbeb, Sad, Ad-Dara'ya. Ad-Dara'ya. Wa Al-Beb ou Thani, c'est quoi le deuxième Beb qu'on avait pris ? Tu fais des ibadah pour une personne, si c'est le réel Allah, et aussi t'attends d'une chose, par exemple celui qui fait un nadr au qayyid, il attend de cette personne-là une chose que personne ne peut lui donner par Allah. Non. Ou elle fait shirk asrar, dans le nadr, le réel Allah. C'est quoi les shurouts du nadr ? Là, il y a qu'une marsiya. Et. أن يكون لله ولا نعم بما لا بما لا يملك لا يملك ابن آدم ne fasse pas de nadr dans une chose qui ne t'appartient pas طيب الآن كذلك سنأخذ بابين لأنهما متعلقان إن شاء الله قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله fait partie du shirk l'istiaza c'est ce qu'on appelle la recherche de refuge par autre que Allah donc là il a dit min shirk comme on l'expliquait dans l'autre bab l'ubs al-hilaq ou al-khayt que cela fait partie du shirk dans ce bab-là qu'on avait dit non que cela fait partie du shirk à savoir que l'istiaza bighayrillah c'est comme les ruqa tamam il y a ce qui est jahiz dedans il y a un tafsil un tafsil dedans. Donc ce n'est pas tout l'istiaza bighayrillah qui est du shirk. Mais là, lui, il veut viser par là celle qui est qui s'oppose au shurut du tawhid. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ابن الشرك الأكبر كبقية العبادات التي صرفوا لغير الله شرك أكبر لأن الاستعاذة عبارة كما قال تعالى فاستعذ بالله وقال تعالى قل أعوذ برب الناس وقل الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق donc cela fait partie du shirk akbar comme le reste des ibadat lorsque celles-ci sont tournées pour autre que Allah cela est du shirk akbar car l'isti'adha c'est une adoration comme pour les versets où dans le sens Allah dit Il recherche refuge auprès d'Allah. C'est un ordre. Ou dans sa parole, lorsqu'il dit, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Dans sa parole, où il dit dans le sens, je cherche refuge auprès du Seigneur des astres. Ou l'aube naissante, plutôt, il dit, je crois. C'est l'aube naissante. L'aube naissante. Traduis comme ça. Non. Donc là, ces versets te démontrent, comme expliquer la règle, que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne une chose, cela démontre que c'est une ibadah, à la base, surtout s'il aime. S'il l'aime et qu'il la cautionne et qu'il fait l'éloge de ceux qui la font. Le khurasa, avant de prendre le reste, le khurasa, l'isti'aza, on l'avait pris dans notre kutub, la baisse qu'on le rappelle, c'est une chose qui est connue. Ça rentre l'isti'aza, qui est la talab al-a'oud, qui est le fait de rechercher refuge. L'isti'asa, qui est le fait de rechercher secours. L'isti'ana, qui est le fait de rechercher de l'aide. Ce sont des ibadah. Et elle entre dans qism ad-du'a. Ça rentre dans le du'a. Ce sont des du'a khos. Et le du'a, on a expliqué qu'il se divise en deux catégories. Du'a al-mas'ala ou du'a al-ibadah. Du'a al-ibadah, c'est toute adoration. Ça s'appelle du'a ibadah. Comme la salat, comme le hajj, comme le siyam ou autre. Car dans cette ibadah, c'est un talab que tu fais, c'est une demande. Quand tu fais salat, tu demandes à Allah des choses. Quand tu fais le hajj, tu attends à Allah des choses. Donc du'a al-ibadah mutlaqan yani iza sulifat ghilillah faya shirkun akbar mutlaqan. Du'a ibadah, si c'est fait pour que Allah, c'est le shirk akbar dans l'absolu. Thumma al-qism al-thani, c'est du'a al-mas'ala, le du'a de la demande. Ce du'a là, il y a un tafsil. Et ces ibadat là qu'on vient de parler là, elles rentrent dans le du'a al-mas'ala. Le khurasa, c'est que du'a al-mas'ala peut être pour autre que Allah. Si le mad'ou, celui que tu invoques ou que tu appelles, ou auprès de qui tu cherches refuge, à qui tu demandes de l'aide ou secours, est en mesure d'accomplir cette chose-là. Mm-hmm. Ah, le fait de tourner ce du'a et d'attendre une créature ce que seul Allah est capable d'accomplir, cela est du shirk akbar. C'est ça que l'auteur veut dire par là. Chercher refuge d'une chose que seul Allah peut te protéger. Ah, maintenant, du'a, ça a un sens large. Ça peut être une invocation et ça peut être également une invitation. Ça peut être une... on avait pris dans le kitab du'a et la shahada. C'est l'appel à l'attestation. Ça a plusieurs... l'oratem, ça a différents sens. Ce n'est pas que l'invocation de Allah, du'a. Ça peut être une invitation. Ad'uka ila ta'am. Je t'invite à manger, mathalan. Ce n'est pas du shirk. Demain, tu dis da'atu fulanan ni ta'am, li ghada. J'ai invité un tel à manger. Ce n'est pas du shirk. Personne ne va dire ça. Ça, il n'a pas d'akl. Donc, c'est ça le khurasa. Rechercher refuge ou secours ou de l'aide auprès d'une créature dans une chose que seul Allah est capable d'accomplir, cela est du shirk akbar. Donc celui que vers qui tu tournes ces choses, isti'aza, isti'atha, isti'ana, pour qu'il soit hey, il est vivant, qadir, et en mesure de le faire. On ne dit pas forcément maujoud, car il peut t'aider, quelqu'un qui n'est pas présent peut t'aider. Demain, avec un téléphone, tu peux appeler quelqu'un qui n'est pas là, peut t'aider. Mais quand on dit ra'ib, c'est qu'il est une absence, de sorte qu'il ne puisse rien faire. C'est relatif. Il peut être absent et pouvoir t'aider. Et il peut être absent, son absence fait qu'il ne peut pas t'aider. Voilà. Donc demain, je ne sais pas, moi, tu es en train de te noyer, tu appelles quelqu'un qui n'est pas là. Tu cries le nom d'un tel Foulen, il n'est pas là, il est absent, il ne peut rien faire pour toi à ce moment-là. Ça, c'est du shirk. Ah, maintenant, je ne sais pas, tu es au milieu de la mer, avec ton bateau, tu es perdu, tu as ton téléphone portable, tu appelles un tel, tu lui dis ramène les secours, il n'est pas là, mais il peut faire quelque chose pour toi. Ah, même, c'est pas du shirk, là. Donc ça, qu'on va dire, c'est qu'il est en mesure de pouvoir t'aider, qu'il est hay. Ama, faire cela, tourner ses doigts vers les amouates, vers les morts, ça c'est le shirk akbar, comme le font l'assemblée Kubur. Mais ça l'aide dans l'istia'atha, la preuve que cela est permis, comme a déjà fait qu'on l'a dit, « Fasta'athahu alladhi min shi'atihi alladhi min adouhi » Lorsque Moussa alayhi salam passait dans les bandits d'Israël et que l'un d'entre eux était en conflit avec un des hommes de Pharaon. Celui des bandits d'Israël, sta'atha bi Moussa. Ça n'a pas été du shirk. Pour l'aider contre son ennemi. Kazalik, قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة متفق عليه قال من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به فليعوذ به. Celui qui a trouvé un refuge ou quelqu'un qui peut l'abriter, qui lui prête refuge. Hadith متفق عليه. Là c'est dans les fitnes. Quelqu'un qui peut se réfugier dans un moment de fitna ou quoi, c'est pas du shirk. ثم قال الله عز وجل يعني من في المتن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم راهقا. Qu'il y avait des hommes parmi les humains qui cherchaient refuge auprès d'hommes parmi les djinns et ne l'ont fait que leur rajouter plus de peur encore. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى نزلت هذه في أناس كانوا يعوذون بسالة الجن وكانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه فهو كان من عمل الجاهلية الواجب صرف كل هذا لله. Donc il a dit que ce verset est descendu à quel moment sur des gens qui cherchaient refuge auprès des chefs des djinns, les arabes dans la jahiliya, lorsqu'ils étaient en un lieu, dans un nouveau lieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient refuge auprès du chef des djinns dans le secteur où ils étaient, contre les faibles d'esprit des djinns. C'est comme chez les êtres humains, t'as des lieux des fois, t'as un endroit, t'auras toujours un homme meneur, un sage, un aqil, et t'auras toujours des petits qui font le fourzo, le désordre. Ça c'est maralouf. Et quand il y a un problème, on revient vers qui? Vers le aqil. Chez les djinns c'est pareil, il y en a, ce sont des chefs, ils se font obéir. Donc eux ils faisaient quoi? Ils faisaient isti'adha du aqil contre les petits soufaha des djinns qui auraient pu leur faire du mal. Donc ça c'est une chose que les gens de la jahiliya ils faisaient. Et pour faire cet isti'adha, ils faisaient du shirk. Car cet isti'adha qu'eux faisaient, c'est du ibadah. Dans ces moments-là, tasta'iz billah. Tasta'iz billah. قال زادوهم راهقا. Ça a deux sens. Soit que cette isti'adha qu'ils ont fait envers les djinns, ça fait que les djinns sont devenus hautains sur les hommes, c'est-à-dire ces hommes-là qui faisaient isti'adha, et leur ont fait encore plus peur. Parce qu'en faisant isti'adha, il y a à côté de tazallul, tu te rabaisse un peu dans la personne. Tu demandes, réfugie-moi, aide-moi. Donc ils sentent que tu as besoin de lui, donc ils sont plus forts. Donc les djinns, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils en profitaient. Et l'autre version, c'est que l'autre sens, que c'est les djinns. Attends. Le sens de rahaka, naam. Rahaka bimana atourien ou stikbar. Ça veut dire que il n'avait pas. Là, c'est plus sens de peur. Rahaka. Dans la première version, le rahaka, c'est le sens de peur. Dans l'autre version, ça a le sens de tourien, c'est-à-dire que le fait qu'il fasse istiaza auprès du djinn, ça fait que le djinn, l'être humain n'avait pas plus de peur de lui que lui, de lui, on va dire, n'avait pas plus peur de lui. Mais ça revient à peu près au sens premier, que le djinn lui-même, comme on dit, cela le rendit encore plus orgueilleux. Mais il n'y a pas plus de peur pour l'être humain, contrairement au premier. Et dans les deux sens, de toute façon, ça amène à ce qu'ils ont fait du shirk et que le djinn, lui, n'a pas fait ce qu'eux voulaient à la base. Mais au contraire, leur a fait encore plus de mal. Le djinn leur a fait encore plus de mal. Et même chez les humains, c'est connu. Si quelqu'un il sent que tu as peur de lui, Taïeb, ça peut causer le stigbar. Et t'as Ali, Alec. Ils sont supérieurs à toi. Alors que dire des djinns? وعن قال المؤلف عن خولة بنت حكيم رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يدره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. Que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit selon Khawla, elle a dit j'ai entendu le message d'Allah صلى الله عليه وسلم dire celui qui va en, qui sera en un lieu qu'il dise je cherche refuge par les paroles parfaites d'Allah du mal qu'il a créé. Cela, ça me dit cela, cela ne lui nuira en rien du tout. Ou plutôt, rien ne lui nuira en rien. Rien ne lui causera la portée de nuisance. Juste à ce qu'il parte de ce lieu. Alors, aux musulmans. Dans ce hadith, il y a déjà justement là, s'isti'aza, il y a une preuve que كلام الله ليس بمخلوق d'une part أعوذ بكلمات الله التامات car il n'est pas permis de faire l'istirada par une créature dans les choses que seul Allah est capable de faire. Donc كلمات الله التامات ça prouve que كلمات d'Allah sont sifat. Il est permis de faire des du'a par tawassul bi sifat Allah. On avait pris ça, tu te rappelles, que tu invoques Allah tamam et tu dis مثلاً Ya Rahman, as'aluka bi rahmatika al-wasi'a. Ô Rahman, je t'invoque par ta grande miséricorde, telle et telle chose. Quand c'est permis, même juré. Par la sifat d'Allah, c'est permis également. C'est permis. Adam in Adal Bab. Et ce dua est valable en tout le nouveau lieu dans lequel tu te rends. Tu viens dans une nouvelle maison, la Thalane, ou même cher Ben-Mazid, dans les moyens de transport que tu prends. Tu prends l'avion, ou la voiture, ou le train. Quand même. Et il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le répétait trois fois ce dua. Donc, Nistirbeb ala dua, an yukarrar thalath marrat. Donc là, c'est un sabab shari'i qui a été fait pour se préserver du mal, c'est faire l'istirada bi kalimatillah. Donc c'est pas du shirk, sûrement pas. Amen. Et ce n'est même pas une bid'a, c'est mashrou', c'est sunna. Et dans son col, lam yadurhu shay'un. La shay'un, c'est quoi? C'est un akira. Et lam yadurhu, c'est nafi, comme il a dit. Donc là, c'est-à-dire, il n'y a rien qui le nuira. Là, Cheikh Abu Amr, lorsqu'on a fait ce kitab Tawhid avec lui, il avait fait un tambih. Parce qu'il y a des fois, il se peut que tu fasses ce dua et tu arrives quelque chose quand même. Des gens disent, j'ai fait le dua, je ne comprends pas, et pourtant, il m'arrive telle et telle chose. Donc, des fois, les dua, ils ont des mawa'ani'a. Des choses qui font qu'il n'a pas été exaucé ton dua. Il y a plein d'asbeb, que ce soit dans ce beb-là ou dans d'autres. Des fois, des gens font des dua. Bah, donc, des fois, tu en as, ils disent, ouais, avant de faire le rapport avec ma femme, j'ai fait le dua, et pourtant, mon enfant, laisse tomber. C'est un ifrit, mon enfant. Il est complètement munharif, il fait que des problèmes. Il dit, je comprends pas. Et on dit, il se peut que dans sa fête de doigt, il y a un truc qui n'allait pas. Mais là, pour revenir à Sebeb Khoussoussan, des fois, des gens, ils font le doa. Ça, c'est min askar al masa kazalik. Ce doa là, c'est parmi les askar du masa que tu fais. Il dit, il se peut qu'il t'arrive quelque chose. Lakin hada shay wa idha c'est une chose qui t'a, مثلاً, qui t'a, comme on dirait en français, qui t'a, elle ne t'a pas nui. Ça t'a fait mal, ça n'a pas été une nuisance pour toi. مثلاً, tu as été quelque part, tu as fait ce dua, et une fourmi t'a piqué. مثلاً, une fourmi t'a piqué. Surtout les fourmis ici, je ne sais pas si tu les as connues, les noires là. Les petites noires, elles font très très mal. Alhamdulillah, Allah afak lil an. Mais il y a des fourmis noires qui se baladent, elles ressemblent à des graineries un peu, toutes noires. Et j'ai jamais connu une fourmi qui fasse aussi mal que celle-ci. Ça dure même plusieurs jours la douleur. Hein? Non, les jaunes ne font rien, c'est des petites noires. Même en Martinique, il y a des fourmis rouges, je me rappelle, elles faisaient mal. Mais celle-ci du Yémen, Allahu Akbar. J'ai pas connu comme ça. Il y en a des pires encore, ce qui paraît dans le monde. Celles-ci, elles sont un Moustawa, elle est pas mal quand même. Après, tu t'habitues, tu peux être pique, et moi, ça fait mal au fur et à mesure. Mais les premières piqûres, elles sont. Tu te fais roquia. Ça t'arrive, tu te fais roquia. Tu te fais roquia. El Mouhim, est-ce que cette fourmi, elle t'a causé un darar? C'est pas un darar, c'est un hasard qu'elle t'a fait. Elle t'a fait mal, mais c'est pas une nuit. En soi, il n'y a pas eu de truc par la suite, des préjudices, il n'y a pas eu de... Voilà, ça c'est différent entre le hava et le darar. Là, il a dit l'am yaduru shay'a, il n'a pas dit l'am yuzi shay'a. Hava, c'est quoi le hava? Le darar, c'est une chose qui fait du mal, qui cause du mal. Qui cause préjudice. Donc, c'est pas toute chose qui t'a atteint qui forcément t'a causé un darar. Il y a des choses, des fois, tu arrives une aza, et l'aza, c'est pas un darar. Et des fois, ça peut être pareil, les deux. Et l'aza, c'est quoi? C'est quelque chose que... Je sais pas comment traduire. Parce qu'on traduirait par nuisance pareil, mais le sens, il n'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Il y en a, il n'y a pas vraiment de suite par là. C'est un truc sur le moment, tu vois, comme ça. Comme par exemple, une piqûre de fourmi. Mais c'est une piqûre de fourmi, est-ce que c'est comme une piqûre de serpent? Ah non. Ah, c'est pas pareil. Puisque le serpent, il y a des conséquences derrière. Tu peux en mourir même. Hein? Ou bien c'est qu'on voit souvent ici les mouches. T'as quoi les web zini? Elle me dérange, elle m'embête, mathalan. Elle t'a durruk? Est-ce qu'elle te cause des nuisances, la mouche? Elle te dérange, c'est tout. Elle t'embête, elle vient là, elle te chatouille le nez, les oreilles. Toi, tu fais ça, tu les... elle revient. Tu la pousses, elle revient. Elle t'embête. Mais est-ce qu'elle te nuit en soi? Est-ce qu'il y a des conséquences par la suite? Il n'y en a pas, c'est juste un izahaj qui se passe. Donc, si demain, il t'arrive, il t'arrive une chose comme celle-ci, il fait rapporter des Qurtubi. C'est dans le charh de Cheikh Othaymine, il dit que Qurtubi, une fois il a fait ce doua là, il s'est fait piquer par un scorpion. Le scorpion qui est rentré chez lui qui l'a piqué. Ah, Fouad, là, Sakhallah. Il dit justement, ce jour-là, j'ai pas fait de doua. Un scorpion rentré chez moi m'a piqué. Un scorpion, est-ce que c'est une fourmi, un scorpion? Un scorpion, c'est pas une fourmi. Et un scorpion, même le scorpion, tu en as différent. Tu as le jaune qui te pique, qui fait un mal et qui te fait peut-être dormir. Et tu as le noir qui peut te tuer. Ce ne sont pas les mêmes. Par exemple, ici, tu vas voir les tout petits jaunes. Tout petits jaunes. Tu vas en trouver. Au Yémen, des mètres, j'en avais. À Hadar Asayoun, j'en avais. J'en ai toujours vu. Il n'y a que. Même à Sanar, j'en ai vu. Petits comme ça, ils sont jaunes. Il peut te piquer. Ça te fait une petite douleur. Mais c'est rien, c'est mayadur. Mayadur, comme la fourmi. Mais le noir, c'est le pic, celui-là, le gros noir là, il peut te tuer. Il y a une différence entre les deux ou pas? Il y a une différence. Ou même si c'est pas un gros noir qui te tue, tu peux avoir d'autres scorpions, ils te piquent, et pendant un moment, tu bouges plus. T'as trop mal, ça fait très très mal de piquer le scorpion. Parmi les piqûres les plus douloureuses qui existent. Il y a eu un darar qui s'est fait. T'es bloqué dans ton lit pendant plusieurs jours, ou pendant plusieurs. Une bonne période, quoi. Le shahid de ce bébé. Que le sti'aza bi ghilillah, dans des choses que seul Allah est capable d'accomplir, c'est le shirk akbar. Et ça, en dedans, on a dit sti'aza, isti'atha, wa isti'ana. On a les masa'il directement de ce bab. Et après, on va prendre le prochain. Et c'est le même tafsil. Ça va ensemble. قال فيه مسائل الأولى تفسير آية الجن donc il y a le tafsir du verset des djinn. الثانية كونه من الشرك que cela c'est isti'aza qu'on fait ces hommes avec ces djinns était une chose faisant partie du shirk. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. Donc là, dans ce verset là, on peut prendre comme preuve que les kalimat d'Allah ne sont pas créés. Que le fait de faire Isti'aza par le makhlouq, avec les shurut, comme on l'expliquait, c'est du shirk. Arabia, fadilat hadha ad-du'a ma ikhtisarihi. Le mérite de ce du'a alors qu'il est court. C'est un du'a qui est court et concis. Al-khamisa, anna kawna shay yahsulu bihi maslahatun dunyawiyya min kaf shar ou jalb naf'in la yadul ala annahu laysa min ash-shirk. Et là, c'est une chose très importante qu'il dit, que le fait qu'une chose t'apporte une maslaha dans cette dunya et qu'elle te repousse, qu'elle repousse un mal ou qu'elle t'apporte un bien n'est pas une preuve, cela n'est pas de shirk. Car des fois, ces gens veulent istiaza avec le djinn et le djinn les protéger des autres soufaha. Pourtant, c'est le shirk qu'ils veulent. Des fois, des gens vont faire du shirk et vont tirer une maslaha pour eux. Ils vont repousser un mal. Par exemple, quelqu'un va faire ta'awun avec les shayatines, shaitan il va le protéger, enfin, protéger dans le sens qu'il va être avec lui, pour lui dire, attention, un thé va te faire du mal. Ou lui dire comment faire de l'argent. Il lui a porté une maslaha ou pas. Il va repousser un mal ou pas. Mais c'est un apparent. Pourtant, on aura fait du shirk pour cela. Les gens qui font du sihr, ils ont tiré une maslaha pour eux. Tu as combien des marabouts, ils font des choses avec les shayatines, et tu les vois, ces gens-là, il n'y a jamais rien en donné que les atteint. Ils sont tout le temps avertis. Leur shaitan dit, ouais, shaitan leur dit, ouais, attention, il y en a, ils vont faire ça contre toi. Ils l'avertissent. Hop, ils changent de chemin, ils passent pas par le chemin sur lequel il y avait un guet-apens qui était préparé, par exemple. T'as des gens, même dans le crime, ils se servent de shayatin pour se protéger. Je me rappelle, il y en avait un avant mon islam, dans le quartier où j'habitais, il était connu pour ça. Tout le temps que les marabouts, c'était un dealer. C'était un dealer. Il était connu, traité que les marabouts, wallah, il se faisait jamais attraper. Il avait des ashab avec lui, ils étaient tous attrapés lui, jamais toujours s'en sortait. Un jour il s'est fait attraper et malgré tout sa peine elle était légère. Sinon à chaque fois il arrivait à esquiver. Les gens disaient lui là, je sais pas comment il fait mais c'est pas normal. Et une fois il s'est fait attraper, ça n'a pas duré longtemps. Un muhim, que tu peux en trouver une maslaha pour toi bien que la maslaha est plus grande par la suite, mais tu t'en rends pas compte. Donc le fait que tu aies fait du shirk et que tu aies obtenu ce que tu voulais, ne veut pas dire que c'est pas du shirk ce que tu as fait. Et ça, on a appris dans Tatrihal et Tchakad. Déjà, ils ont fait deux A, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont invoqué maintenant un wali qu'ils imaginaient être un wali. Il dit, Ya wali Fulani, accorde-moi un enfant. Et puis après deux A, le lendemain, sa femme dit, oh, je suis enceinte. Il dit, ah, le wali, c'est déjà Bali. En fait, non, c'est une fitna d'Allah pour lui. Là, éprouvé, le wali peut rien faire. Mais il a eu ce qu'il voulait en faisant cette chose-là, en allant invoquer ce wali. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas fait du shirk? Le résultat en soi n'est pas une preuve. Tu peux aller faire du shirk, même si tu as obtenu ce que tu voulais. Car la plupart des gens qui font du shirk, ils ont ce qu'ils veulent. Ils veulent la richesse, ils veulent faire du mal à un tel, ou ils veulent se protéger de un tel. Et beaucoup d'entre eux, ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent. Pourtant, ils ont fait du shirk. Donc le résultat obtenu n'est pas une preuve que ce que tu as fait, c'est permis. C'est pas la preuve que si tu cherches de demander des choses à un autre. Parce que le djinn, il ne va pas faire ça gratuitement pour toi. Ah oui, c'est ça. Il va te demander de faire des ibadah pour lui. C'est ça qui est comme ça. Comme dans le shirk. À la base, l'istiaza bil djinn en soi, sans faire de shirk, c'est haram, c'est pas du shirk. Par exemple, demain, il y a un djinn, il est là à côté de toi, tu l'entends, il parle, tu demandes quelque chose. C'est pas du shirk en soi. Il ne faut pas le faire, c'est haram. Maintenant, si en contrepartie, tu te demandes de faire quand même du shirk, voilà. Mais là, ce qu'ils faisaient, ils faisaient un tazalloul devant eux. Ils se rabaissaient devant le djinn. La tazalloul, peut-être qu'il n'y en a que Allah. Des fois, même s'il ne demande pas de faire du shirk, dans ton cœur, tu vas ressentir un rabaissement devant lui qui ne revient que Allah. Donc tu auras fait du shirk à ce moment-là. Même tu n'auras pas égorgé pour lui, tu viens vers lui, rabaisse humilié, aide-moi, protège-moi. Comme le font les mu'minoun avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu auras fait un tarzim dans ton cœur et un tazalloul devant lui. Et dans cette niya-là, tu auras fait du shirk. Mais des fois, des gens demandent une chose à un djinn sans faire du shirk, mais c'est haram de faire cela. طيب ناخذ الباب الذي بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك ان يستعاذ بغير الله او يدعو غيره parmi le shirk également parmi encore c'est pas tout le shirk de chercher secours par autre que Allah ou d'invoquer autre que lui. Donc là, l'istia'afa, adam bab, atf al-aman al-khas. En fait, l'istirafa, c'est un truc qui est khas, c'est écrit de, dans le charh. L'istirafa, c'est un doua qui est khas, et doua, c'est am. Tout istirafa et doua, c'est pas tout doua qui est istirafa. Ça rentre dans doua al-mas'ala. Donc l'istirafa, c'est une ibadah. Comme on dit à Azawajel, يستستعيثون ربكم فاستجاب لكم lorsque vous avez cherché secours auprès de votre Seigneur et qui vous a répondu. Ça démontre que cette istirafa qui a été fait, c'était par les sahaba, c'est une ibada. Donc le fait de la tourner pour que Allah avec les shurut qu'on a cité précédemment, c'est du shirk. C'est le Dora al-Mas'ala, mais c'est aussi le Dora al-Ibada. C'est pour Allah. Ça rentre dans le Dora. C'est une Ibada en soi, mais ça rentre dans le Dora al-Mas'ala. C'est une demande que tu fais. Et Dora al-Ibada, c'est pas une demande. La demande, elle est dans l'Ibada. C'est comme la Dora est dans l'Ibada. Cette Ibada, c'est un Dora en soi. Mais là, c'est une Dora particulière. L'Istirafa, t'as pas besoin de faire un truc particulier. Tu lèves tes mains, t'as Starif Villa. Là, c'est Dora al-Mas'ala. Et c'est ma'louf qu'on avait pris dans Kawad al-Arba'a et dans Tati' al-Irtiqad ou Keshif Shubuhat que les mouchirikoun, les premiers mouchirikoun, qu'est-ce qu'ils faisaient lors du Rocha, lorsqu'ils étaient dans l'aisance et dans la facilité, ils faisaient du shirk. Dans la difficulté, Kanu yasta'ithuna billah bi khalas. Ils demandaient secours à Allah en toute sincérité. Alors que ceux d'après eux, c'était tout le temps Rocha ou Shidda, tout le temps c'est du shirk. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين. Donc n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ni te nuit ni te profite, et si jamais tu le faisais, tu serais alors du nombre des injustes. فهنا الظالمين الظلم الأكبر الذي هو الشرك. تمام. فقال الله عز وجل والكافرون هم الظالمون. Et les mécréants sont eux, les injustes. Donc là, c'est le Zawalimin ou là, le sens voulu, c'est le Zoum al-Akbar. Elle a dit, wa shirk. Inna shirk et la Zoum al-Azim. Donc celui qui invoque autre que Allah dans ce qui ne peut ni lui apporter de bien, ni lui nuire. Un doa qui ne revient que Allah aura fait du shirk Akbar. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Qala Allah azza wa jal. Ah oui, il y avait la fin du verset, je ne l'ai pas lu. « Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu » Si jamais il te touche par un mal, par une chose qui te nuit, personne ne peut. Si Allah t'envoie une chose qui peut te nuire, nul ne peut l'ôter si ce n'est lui. Et ce qu'on appelle le dur ou le char, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le bien et le mal. J'ai oublié de dire ça dans le bab précédent. Que Allah, il a créé le char. Parce que des gens disent non, Allah, il a créé que le bien. Donc si jamais tu dis que c'est pas Allah qui a fait le char, c'est que tu as mis deux khaliq. Ça, c'est le shirk akbar. Comme on fait les majus. Cependant, le char qu'Allah, il a créé pour une hikmah. Par rapport à lui, c'est pas un char. C'est un char par rapport à nous. Mais tout ce qu'il a créé, il y a une hikmah derrière. Même Iblis, même le nar, Jahannam, c'est du char mahd pur, pourtant il y a une hikmah dans leur présence et il y a un bien derrière. Et tout ce qui nous arrive, même comme masa'ib qu'on peut avoir, maladies, épreuves, calamités et autres, qui nous font du mal, surtout à nos yeux, c'est qu'il y a une hikmah derrière. Même si on ne s'en rend pas compte. Donc on ne dit pas Allah il fait du char. Allah il ne fait pas du char. Il fait du bien, il a créé le char, et ce char, il y a un bien derrière. Si ce char te touche, c'est qu'il y a une raison qu'Allah te veut du bien peut-être. Ou alors, une injustice que tu as commise, il faut que tu la payes. Il y a une maslaha derrière, à la kullin. Wa qala Allah azza wa jal, wabtaghu 'inda Allahi rizq wa'buduh. Et recherche auprès d'Allah le risque, la subsistance, et adorez-le. Qala al-shaykh fi hadha, amara bi talab min Allahi wahdahu. Wal isti'atha bihi wahdahu, wa ibadatuhu wahdahu. وإلا يطلب من غيره شيئا وأن لا يطلب من غيره شيئا وأن لا يطلب من غيره شيئا يستثنى ما تقدم. Donc c'est-à-dire que tu ne demandes que de Allah, tu ne demandes que à Allah seul. L'istighasa, tu ne la fais que par Allah seul. Et l'adoration n'est que pour Allah seul. Et que tu ne demandes rien à personne en dehors de lui, si ce n'est les choses citées dans les exceptions, dans les conditions du dua, l'irilillah. Et ce verset, comme l'a dit Cheikh Othaymin, c'est une preuve que la ibada, c'est à cause de risque. Car dans le verset, il dit quoi ? وَبْتَرُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقٍ, c'est-à-dire recherche auprès d'Allah l'adoration, le risque, recherche auprès d'Allah le risque, et adorez-le. C'est-à-dire qu'en fait, en l'adorant, c'est une cause que Allah te donnera du risque. Contrairement à ce que des gens pensent, que l'adoration les empêche d'avoir leur risque. Ils font leur salawat le soir, la falaine, ou ils commettent des péchés par peur de leur patron, d'une peur muharrama et non pas shirkiya. Des fois, pas de shirkiya, certains, c'est possible. Ou ceux qui viennent en pays de Koufre, le pays d'Islam, pour avoir du risque, parce qu'ils pensent qu'ils vont être pauvres, plus riches en pays de Koufre, et bien ça, c'est des péchés qui démontrent que l'adoration, donc le ta'a, l'obéissance, c'est des causes de risque. Après, il faut avoir el-iffa ou el-kana'a. Tu as des gens qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Et eux, ils sont amenés à tomber dans les mukharafat. Quand on dit risque, ça ne veut pas dire que tu veux être millionnaire. Mais qu'Allah va te donner ce qui te suffit à la base. Après, c'est toi avec ta tarbiya, ton éducation, ton tawakkul et le sens que tu auras, tu sauras que ce que tu as te suffit de ne pas en vouloir trop. Et quand on en veut trop, on finit, et on mange trop, on finit par vomir ou avoir mal au ventre. L'istikthar min kulli shay yadur, en général. Le fait d'exagérer dans toute chose te nuira. D'en faire trop dans toute chose te nuira. Même dans l'ibada, il faut l'iktisad de l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis en garde contre le roulou dans l'ibada. L'ibada, fais ce que tu peux faire, n'en fais pas trop. Fais ce que tu peux faire, mais ce que tu fais, continue dessus. Et maintenant, les gens diffèrent. T'en as à faire beaucoup, d'autres moins. Et personne ne fera plus que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qal, qaluhu azza wa jal, wa man adhallu mimman yad'u min dunillah, man la yastajibu lahu, illa yawm al-qiyamah. Il dit, qui donc est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, ce qui ne lui répondra jamais jusqu'au jour dernier. فقال الشيخ في هذه الآية هذه الآية تبين أنه لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله لأنه لم يفلح في الدنيا وفي الآخرة خاسر للنار ووصف المدعوون من دون الله بأربعة أوصاف. Donc il dit, ce verset démontre qu'il n'y a pas plus égaré que quiconque qui invoque en dehors d'Allah, ce qu'il ne fera pas réussir en cette dunya, ni dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Et que celui qui invoque autre que Allah a été décrit, plutôt ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah ont été décrits par quatre choses. En premier lieu, qu'ils ne répondent pas. Jusqu'au jour du jugement, ils ne répondent pas. Thaniya, qui sont rafiloun en ad-dua, c'est-à-dire qu'ils ne font pas attention au dua. Tu les invoques, ce que tu l'invoques, ils ne font même pas attention. Et troisièmement, qui sont ennemis de ceux qu'ils ont adorés, Yom al-Qiyam. Ils se désavoueront d'eux. Ils les désavoueront. Ils disent, on ne nous a jamais appelé à faire cela. Et Rabia, qu'ils s'innocenteront de cette adoration qu'ils ont faite pour eux et la blâmeront. Donc, tu n'as que de la perte. Et tu as beaucoup de gens, ils invoquent sans se rendre compte autre que Allah. Nous, par exemple, aux Antilles, c'est connu. Je me rappelle depuis que j'étais petit. Chez les Antillais, c'est connu, surtout les femmes. Par de la colère, ils invoquent tellement de saints, tu ne sais même pas. Ils se mettent en colère, Elle dit Saint Joseph, Sainte Marie, Saint Claude, Saint Pierre, Saint... au moins 10 personnes d'affilée en l'espace de quelques secondes. Tu ne sais pas d'où ils sortent tous ces gens-là. Elle tape du pied et crie, tous les saints. Comme ça. Ça, je me rappelle, c'est connu chez les Antillais, ça. Peut-être d'autres le font, mais je sais que chez les Antillais, c'était marlouf. Je ne voulais pas les Français faire ça. Les Antillais faisaient beaucoup ça. Il crie, lève les yeux vers le ciel, des fois même les mains, et il crie Saint-Tel, Saint-Tel, Saint-Tel, Saint-Tel, Saint-Tel. Waouh, si tu savais. Et ils font des cérémonies des fois, avec des cierges comme ça, ils invoquent les saints. Ça, c'est des gens qui se disent chrétiens. Ils invoquent les saints. Que ce saint-là, Masselène, il a telle faculté, dans la maladie, c'est tel saint que tu invoques. Tu veux être riche, c'est tel saint que tu invoques. Que tu invoques. Et des fois, c'est les malaïkas, les anges. Ils ont mis des tarsis à des marloukotes dans des choses particulières. Si jamais tu veux avoir un enfant, masalène, telle cérémonie, invoquer tel saint. Tu veux avoir telle chose, telle cérémonie, invoquer tel saint. Et kaza. Ah, là, Cheikh Akbar. Et même dans leur Bible, c'est pas écrit ça. Même dans la Bible, c'est pas écrit de faire cela. Non. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ومن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Et qui donc répond à celui qui est dans la contrainte lorsqu'il l'invoque et qui enlève le mal. Ce verset, Cheikh al-Islam وغيره يستدل به على أن الله قد يجيب للكافر. Que Allah peut répondre au kafir. Là, il a dit quoi? Al-muttar. Là, c'est elle qui rentre. On est pris quoi quand elle y rentre? Le fidèle umum. Donc, même le kafir, des fois, dans la détresse, il est sincère. Il invoque Allah, Allah lui répond dans sa détresse. D'ailleurs, il faisait quoi les mouchikoun d'avant? Dans l'aisance, il faisait du shirk. Et lorsqu'il montait sur le bateau, ils invoquaient Allah seul. Et Allah, qu'est-ce qu'il faisait? Il le secourait. Lorsqu'il le secourait, il retournait dans la shirk. Donc, même le kafir, dans la détresse, il peut invoquer Allah, Allah peut lui répondre. Mais cependant, c'est qu'il l'a invoqué seul et sincèrement à ce moment-là. Mais aujourd'hui, comme tu le sais, les gens dans ce genre de situation invoquent autre que lui également, beaucoup. Et là aussi, les athées dans ces moments-là, ils invoquent Allah. Les athées, dans les moments de la grande peur, ils voient la mort devant eux, ils disent « Oh mon Dieu !» Ils disent « Oh mon Dieu !» Ils lèvent les mains, ils disent « Oh mon Dieu !» Les gens qui disent « Je ne croyais pas en Dieu !» La fitra, elle remonte à ce moment-là. ثم قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستعيذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستعاذ به وإنما يستعاذ بالله عز وجل. Il dit à Tabarani, il a rapporté, et le hadith est da'if. Hadith est da'if. Qu'à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un munafiq qui causait du tort aux mu'minines. Ils ont dit, certains d'entre eux ont dit, allez, allons voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour chercher secours auprès de lui contre ce munafiq. Et il a dit, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, on ne cherche pas refuge, on ne cherche pas secours auprès de moi, mais on ne recherche secours qu'auprès d'Allah, azawajal, seul. Taïeb, les ulama, ils ont dit, admettons ce hadith avait été authentique. Le sens, on peut quand même en tirer d'afa'id. Que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, s'il a dit cela, alors qu'il avait la faculté, il avait la capacité de pouvoir empêcher ce munafiq de faire du mal. Parce que les sahaba, ils n'auraient jamais fait d'istira'atha bi ghayrillah. Là, il n'y a pas dit que c'était des nouveaux ou je ne sais quoi. Là, c'est des gens apparemment qui étaient des sahaba, quand même, qui connaissait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui connaissait les munafiqin. Donc ce ne sont pas des nouveaux. Mais le hadith à la base, c'est le muhim. S'ils ont fait cette istira'atha, quand même, c'est qu'ils savaient que ce pas du shirk à ce moment-là. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit peut-être cette chose-là pour différentes raisons. Parmi elles, que bien qu'il aurait pu faire tuer ce munafiq ou faire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Peut-être comme pour Zuhwa Yisra, pas qu'on dise qu'il tue ses ashab. Parce que les gens, le munafiq, à la base, c'est un musulman en apparence pour les gens. Donc si on le tue, il se fait tuer par les gens de Mohammed, les gens vont dire Mohammed, tu sais, ashab. Et également, Cheikh Bemez, il se peut aussi qu'il ait fait cela pour fermer la porte, que les gens ne prennent pas cette habitude et que par la suite, ils se mettent à faire l'istira'atha dans des choses qu'ils n'est pas en mesure de faire. Donc depuis le début, il dit non, je ne le ferai pas. Faites-le par Allah, subhanahu wa ta'ala. Istira'atha billah. Fakat. Ciao. Hein? Ah, il ne les a pas blâmés. Il ne leur a pas dit, comme il l'a fait par exemple avec ceux qui ont pris le zat anouet, il ne les a pas blâmés. Mais c'est une tarbiya qu'il leur a donnée. C'est comme lorsqu'il dit à Ibn Abbas, il dit, sa'alta fas'alillah, si tu demandes, demande Allah. Wasta'anta fas'ta'in billah. Tu demandes de l'aide à Allah. Alors qu'en dehors de cela, tu peux faire istira'atha billah. Mais pour le dire, ton habitude, fais-le par Allah. C'est une ibadah. Adam. Reprenez Masahil. Donc là, ce bab, c'est même que l'autre. Quand même, le tafsil, on l'a pris dans ce qui est isti'afa et ce qui est isti'afa. Et kullu nu' min anwa' du'a al-mas'ala. Dans les choses qui sont liées au du'a du mas'ala. Fi masail, qala al-ula, an 'atf ad-du'a al-isti'afati min 'atf al-'am 'ala al-khass. Là, c'est une faïda lughawiya, que le fait qu'il ait fait un 'atf du du'a sur l'isti'afa, le fait qu'il ait waouh, c'est le fait qu'en fait il a fait un, je ne pourrais pas traduire ça, qu'il a cité ce qui est précis ou ce qui est spécifique par rapport à ce qui est général. Dua c'est général et l'istirafa c'est spécifique. Et comme on l'expliquait tout, istirafa à la base c'est un dua. La thaniya tafsir qulihi wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Le tafsir du verset et que cela est du shirk akbar, d'invoquer autre que Allah dans ce qui ne peut rien t'apporter. Rabi'a أن أصلح الناس لو يفعله إرداء لغيره صار من الظالمين. Que même la meilleure, la personne la plus pieuse, si jamais il le faisait pour faire plaisir aux autres, il deviendrait un injuste. C'est-à-dire qu'il se mettrait à invoquer autre que Allah. الخامسة, pourquoi? Parce que le Nabi Allah SWT s'adresse à son messager sallallahu alayhi wa sallam en disant cela dans le verset. Mais là c'est un khitab qui est âme. Il est khas pour le Nabi sallam à la zahir, mais le hukm est âme de jamia les muslimin. La khamisa, tafsir l'aya allati ba'daha. C'était wabtahu indallahi rizq. La sadisa, koun zalika la yanfa'u fi dunya ma kounihi kufra. Que cela ne sert à rien dans la dunya et on voit pire encore, même cela est du kufr. As-sabi'a tafsir al-aya thalitha. Troisième verset qui est ubudu wabtahu indallahi rizq. Là, qui est wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Qui est plus injuste que celui qui invoque en dehors d'Allah. Al-aya. Athamina anna talab al-rizq la yanbaghi illa min Allah kama anna al-jannata la yutlabu illa minhu. Que le rizq, tu ne le cherches, tu ne le recherches qu'auprès d'Allah, tout comme le Jannah. À savoir que le risque, il a des asbab kouniya. Amen. Il y a des asbab kouniya que tu peux faire pour avoir. Parmi ces asbab kouniya, certains asbab sont mubaha, d'autres sont muharrama. Que tu peux avoir, comme expliqué, une cause kouni qui existe. Elle fonctionne, mais elle est interdite. Comme le fait de voler, mathalan, pour avoir à manger, c'est pas permis. Mais si tu voles, tu as volé, je sais pas moi, un paquet de chips, si tu l'as mangé, tu as eu de la nourriture. C'est du risque d'Allah. Ça s'appelle du risque quand même. Même demain, quelqu'un mange du porc, c'est du risque d'Allah. Quelqu'un il a volé de l'argent, cet argent, c'est un risque d'Allah. Mais c'est un risque qui est muharram. Il est interdit. Parce qu'il y a un seul razak, c'est Allah. Il n'y en a pas deux. Celui qui dit, ouais, ce risque n'est pas d'Allah, c'est haram, on dit, bah donc, tu auras dit qu'il y a un deuxième razak. Qui c'est qui t'a accordé cela? Il ne te l'a accordé pas parce qu'il l'aime, ça pour toi. Peut-être c'est une épreuve pour toi par la suite. Mais t'as laissé la voir, mais cet argent-là, tu rendras des comptes, tu mets le qiyama. At-tasi'a, tafsir al-aya al-rabi'a. Al-ashira, annahu la adhallu mimman da'a ghayra Allah. Qui n'est pas plus égaré que celui qui invoque autre que Allah. Fi'alan. Celui qui invoque autre que Allah, vraiment, c'est bas. Al-hadi ashar, annahu afir min du'a al-da'i la yadri anhu. Que celui que tu invoques, il est tout à fait inattentif à ton invocation, il ne sait même pas que tu l'invoques. Al-thaniyata ashar, anna tilka da'awat wa anna tilka da'wa sabab li bourd al-mad'u li da'i wa adawatuhu lah wa adawatu wa adawatihi lah. Non, majrur ma'touf wa adawatihi lah. Que cette invocation que tu as fait causera la rancœur du mad'u, celui que tu as invoqué, envers toi, et l'animosité. Que cette invocation a été appelée comme étant une ibada pour lui. Que l'invoqué reniera et mécroit en cette invocation que tu as fait pour lui. أن هذه الأمور سبب كون أضل الناس. C'est parmi les choses qui sont les causes qui font de toi le plus égaré des gens. السادسة عشر تفسير الآية الخامسة التفسير du cinquième verset. السابعة عشر الأمر العجيب وهو إقرار عبارة الأوثان إن أنه لا يجيب المضطر إلى الله ولأجل هذا يدعونه في شدائد مخلصين له الدين. Ce qui est surprenant, c'est le fait de cautionner l'adoration des Awthan, alors que seul Allah répond à celui qui est dans la détresse. Tamam. Et c'est pour cela que justement ces mushrikoun, lors de ce moment-là, n'invoquaient que Allah. Et malgré cela, ils invoquent autre que lui dans d'autres moments. Donc c'est complètement, c'est tout à fait absurde. Et c'est une chose qui est subjugante. Tu te dis, tu reconnais que cette chose-là, tu l'invoques, mais au moment où tu as vraiment besoin, c'est Allah que tu demandes. Bon, pourquoi tu ne demandes pas tout le temps à Allah en fait? Pourquoi tu le demandes à lui? Il ne peut rien faire pour toi. Et le kufr et le shirk sont des choses absurdes. Fialin. Donc voilà, c'est les choses qu'on a prises aujourd'hui, les deux bêmes. L'istira'afa, l'irélillah, le fan d'invoquer autre que lui. Wakablahada, l'istira'afa, l'irélillah, que cela est parmi le shirk, si c'est avec une chose que seul Allah peut accomplir lui-même. Plutôt. Que seul Allah seul peut accomplir. Naam. Fa bi'adhi al-qadna al-tafi wa naqul alhamdulillahi rabbil alamin.